Salut les rôlistes et bienvenue sur la petite pause JDR. Alors, avant de vous laisser à la vidéo de l'overlay du lundi, comme il en va tous les lundis, je tenais à vous faire une petite vidéo rapide. Déjà, dans un premier temps, pour vous remercier, puisque maintenant, ça fait 3 ans depuis hier que la chaîne existe. Donc, vous remercier d'être là depuis tout ce temps et remercier les nouveaux qui viennent d'arriver, qui suivent tout ce qu'on propose, que ce soit les overlays, les vidéos de chronique, que ce soit de Pharo comme celle de Morgane. Et donc, du coup, pour ces 3 années de partage, d'échanges qui nous a permis du coup de faire connaissance avec plein de monde, plein de passionnés dans le jeu de rôle, ainsi que plein de youtubeurs qui se consacrent leur passion au jeu de rôle également. En tout cas, voilà, merci, merci, merci, merci, merci. Il y aura probablement, pardon, une vidéo qui sera faite du bilan de cette année, comme on fait tous les ans d'ailleurs, qui arrivera très prochainement. Sinon, donc c'était aussi la raison de cette petite vidéo. Dans cet overlay de Genesis, à la fin particulièrement, vous verrez normalement sur le layout de la vidéo, sera noté en fait à quel moment ça arrive, mais il y aura un spoil assez important de la campagne Tideblood. Donc à tous ceux qui seraient intéressés en tant que joueurs à faire cette campagne, surtout ne regardez pas les dernières minutes de cette vidéo qui pourrait juste vous détruire entièrement cette campagne. Donc ne regardez pas, n'écoutez pas, rien du tout. Vous vous arrêterez exactement au moment où le spoil commence. Hein, vous avez juste à regarder dans le layout. Sinon, à part ça, pour ceux qui ne parlent pas anglais, parce que oui, le spoil est en anglais. Voilà. Je vous invite, pour ceux qui sont en podcast particulièrement, à prendre le temps peut-être de regarder juste cette partie-là en vidéo, puisqu'elle est sous-titrée. Voilà. Sinon, ceux qui maîtrisent l'anglais, allez-y, il n'y a pas de souci. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Encore merci pour ces 3 années géniales qu'on passe avec vous. Et je vous laisse à votre vidéo overlay du lundi. Salut, ciao, ciao! Nous allons reprendre quelques jours après la partie précédente. Mokosh, de ton côté, tu as été capturé par les juges et enfermé dans l'une des cellules de l'une des nombreuses casernes carpentes justicières. De ton côté, Flux, tu es retourné vaquer à tes occupations en compagnie de tes ferrailleurs. Tandis que toi, Torik, tu t'es rendu au hôpital. Vous ne savez pas vraiment ce qui va devenir de Mokosh. Dans tous les cas, vous êtes obligé un petit peu, on va dire, de passer le temps en attendant que le commissaire Pryle, elle, reprenne les choses en main et vous informe de la suite. En tout cas, c'est ce qu'il vous a dit juste après l'événement. Aka la mort d'un important hospitalier. D'ailleurs, la nouvelle a tout de suite fait jaser et dans la plupart des rues de la ville, on a pu entendre des crieurs publics ou des gamins des rues scander non pas le nom de Mokosh, mais le fait qu'une anabaptiste s'en soit pris à un membre d'hôpital et que elle a ainsi mis à mal la puissance du protectorat, symboliquement en tout cas. Ce n'est pas la première fois que ce genre de choses arrive. Vous savez même qu'il y a eu par le passé d'importantes conséquences par rapport à ce genre d'événement. Le plus grand d'entre eux étant d'ailleurs lorsque des Jametan ont fait exploser la statue que construisait Archo, donc le juge suprême, qui donc faisait construire une statue géante à son image sur la place des juges, jusqu'à ce que cette dernière finisse en poussière. À ce moment-là, de nombreux Jametan ont été éliminés ce soir-là par représailles de la part des juges de justicienne. Ici, à moindre échelle, on est un petit peu dans cette idée-là. Les Anabaptistes qui avaient déjà perdu leur influence en Purgare se prennent un coup qui, en comparaison, n'est pas grand-chose, mais qui poursuit ainsi un petit peu ce harcèlement à leur encontre. Vous savez d'ailleurs que leur influence en Vorka diminue aussi, puisque là où ils possédaient le monopole de l'eau grâce à Cathédrale et une ville que l'on appelle Lika, des membres, on va dire des membres d'une ancienne secte apocalyptique nommée Exalt sont depuis retournés dans cette fameuse ville, et il paraîtrait qu'au nord également, l'affluence des Anabaptistes diminue. Dans tous les cas, aujourd'hui, Torik, toi, tu te trouves à l'intérieur de ton bureau hospital. Tu ne sais pas trop quoi faire, tu as du mal à écouler, on va dire, à te concentrer bien sur ces derniers jours, ton esprit est préoccupé, tu ne sais pas ce qui va se passer dans le futur, mais malheureusement, il faut bien faire quelque chose. Évidemment, il n'est pas pensable ni imaginable de tenter de faire libérer Mokosh. On ne peut pas s'en prendre à une caserne des juges dans le protectorat aussi facilement. Et tu préfères laisser Prael faire ce qu'il fait de mieux, faire l'avocat du diable, puisque c'est son métier après tout. En tant que commissaire, évidemment. D'ailleurs, c'est la première fois que nous jouons au hospital depuis un bon moment. Et depuis, les choses ont pas mal évolué pour toi. Notamment du fait de ton nouveau poste et de ton nouveau rang plutôt important, tu possèdes désormais ton propre bureau. On dirait pas comme ça, mais c'est vraiment pas mal parce que l'hôpital est assez petit, il y a beaucoup justement de personnes qui vivent, que ce soit de simples recrues ou des gens un petit peu plus imminents. De ton côté, ton bureau te sert aussi de chambre, tu as pu ainsi mettre de côté les dortoirs dans lesquels tu avais vécu relativement longtemps. Tu y as entreposé de vieux outils à toi, quelques bouquins de médecine, quelques affaires de rechange sont une tenue donc d'hôpital prête à l'occasion, un socle pour entreposer ton mollusque et évidemment de quoi entretenir ton matériel. Mmh. Ton rôle en ce moment au sein de l'hôpital est de faire le tour des patients qui attendent eux dehors et de corroborer les cas les plus extrêmes. Les recrues vont essayer de dénicher des symptômes et d'en tirer des conclusions. Et ensuite, toi, on va venir te voir et on va te demander ce que toi, tu en penses, notamment face aux cas justement un peu plus improbables. En tout cas, c'est ton rôle lorsque tu restes au niveau du hôpital. Tu supervises un petit peu comme ça les jeunes recrues qui s'y trouvent. Ok. Tu peux également effectuer quelques rapports. Tu peux discuter médecine avec d'autres compères à toi. Mais aujourd'hui, alors que tu te trouves dans ton bureau, bien matinalement, après avoir pris un petit déjeuner relativement sain, tu entends quelqu'un toquer à ta porte. Oui, entrez. À ce moment-là, cette porte s'ouvre et une silhouette apparaît dans la petite pièce dans laquelle tu te trouves. C'est celle d'une jeune femme, elle doit avoir la vingtaine, tout au plus, un petit peu plus âgée, elle a donc quelques années de moins que toi. Et elle se présente. Oui, bonjour, je nomme Shelly. Vous êtes Torik Cole, monsieur Dr. Cole? Oui, c'est moi-même. On m'a dit de me rendre, de vous rendre visite, que vous pourriez avoir de l'aide à me confier, ou peut-être pendant votre absence, des missions, qu'importe, quelque chose. Tu vois que son air assez hésitant prouve que cette famille lancière, donc le rang un petit peu en dessous dans lequel tu te trouvais avant, n'a pas l'air d'avoir vraiment confiance en elle. Tu sens qu'il y a, comment dire, une certaine crainte, sans trop savoir pourquoi, dans ses paroles. Ok. Bah, écoutez, là tout de suite, Je vous avouerai que j'ai pas forcément quelque chose à vous proposer, mais effectivement, si l'occasion se présente, je serais ravi de pouvoir faire appel à vous. Je suis passé par là aussi, je sais ce que c'est. Et tu sais notamment que les hospitaliers qui ne savent pas se rendre suffisamment utiles aux yeux du hôpital finissent généralement sur le front contre la guerre des clans. C'est pour ça que chacun tente, d'ailleurs tu l'as fait toi aussi à une époque, de se rendre utile auprès de n'importe quel service. Eh bien, parfait. Je me suis permis certaines initiatives en espérant que cela vous plaise. Pour commencer, et là tu la vois qui sort un espèce de petit calepin avec quelques lignes, et il y a un homme en bas qui souhaiterait vous parler. Un juge. Ok, bah écoutez, faites-le monter, enfin, dites-lui de Alors venir. je me permets de te reprendre, mais tu sais que les gens n'ont pas le droit de rentrer au sein même du Ah hospital, et donc ouais, si jamais tu veux lui parler, ça va être à toi de Eh sortir bien malheureusement. écoutez, je vais m'y rendre de ce pas. Très bien, parfait. Et ensuite. J'ai appris pour votre chef, enfin votre mentor, c'est horrible ce qui s'est passé. Je me suis ainsi permis, par pure initiative, de récupérer le courrier qui s'accumule depuis quelques jours sous sa porte et vous l'apporter. J'imagine que c'est ce qu'il aurait voulu. Eh Et bien, tu la vois qui comprend quelques lettres. écoute, merci, c'est une très bonne initiative, je vous en remercie, et puis, Bien, pas n'hésitez de soucis, pas. je crèche dans le baraquement juste ici. Tu la vois, elle te pointe à un des couloirs. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. N'hésitez pas. D'accord. Et tu la vois sur ce, tu sais, qui Juste avant tient un qu'elle peu les parte, jambes, qui se tient un peu c'est... droite, comme presque au garde à vous, quoi. Juste avant qu'elle parte, rappelez-moi votre nom. Shelly. Shelly, d'accord. Eh bien, à très vite, Shelly. À très vite, et tu vois qu'elle hoche légèrement la tête, tandis qu'elle te laisse passer, en te tenant le Donc, courrier. bah, je passe. Ok. Qu'est-ce que tu fais du courrier? Tu le récupères avec toi ou tu le déposes Oui, sur... bah je. Bon, le courrier, je vais le poser sur mon bureau parce que là, Hmm. comme je vais voir le juge, j'imagine à. Que je dois deviner quel juge m'attend en bas, mais. Bah, de ton côté, d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'a pas abordé ce point, tu sais que Jacquard se trouve encore au niveau du hôpital, légèrement en gestation. Il a pu sortir évidemment des blessures qu'il avait eues, mais le fait d'avoir perdu ainsi deux membres et une partie de son visage, et notamment également une oreille, ainsi qu'un œil, fait que une certaine rééducation est nécessaire, forcément. Tu lui rends visite de temps à autre. Maintenant, tu sais qu'il n'est pas encore prêt, d'après les médecins, à sortir. Ouais. Mais que, d'après eux, la rééducation est en bonne voie et qu'il pourrait s'en sortir. Décemment d'ici l'ère de la prochaine année. D'accord. Bah, du coup, je descends, je me rends à la rencontre de ce juge. Tu ressors du hôpital, tu vas dans une espèce de petit bâtiment qui sert en fait justement un petit peu d'intermédiaire, on va dire de parloir pour des invités plutôt de marque qui ne vont pas se mêler à la foule malade et porteuse de germes qui, elles, s'accumulent à l'extérieur. Et tu reconnais assez rapidement le commissaire Pryhell avec ses fameuses lunettes de soleil double teintées. Ouais. Merci d'être venu, commissaire. Je veux dire que ce qui se passe, ce qui s'est passé avec Mokosh est malheureusement Était fort dramatique. imprévisible en effet. Et ça a surpris un peu tout le monde. Voyez-vous, ce n'est pas forcément avec de bonnes nouvelles que je viens vous voir. Ah merde. J'ai tenté de négocier comme je le pouvais pour la réhabilitation de cette dernière, mais comprenez, c'est la deuxième fois que elle se trouve être jugée en à peine quelques mois. Autant la première fois, pouvons dire que la présomption d'innocence était de son côté, autant ce cas-ci est légèrement plus particulier. Aussi, Je fais ce que je peux. Déjà, nous pouvons nous estimer heureux qu'elle n'était pas exé... qu'elle n'ait pas été exécutée le lendemain du meurtre. Ouais. Maintenant, les sénateurs et les autres juges sont peu enclins à lui donner un sort favorable. Disons qu'au pire, elle risque une exécution symbolique sur la place du jugement. Au pire des cas, et au mieux, elle pourra aller risquer sa vie sur un front X ou Y et mourir glorieusement sur le champ de bataille en se battant pour le protectorat. J'ai des doutes que Mokosh fasse la deuxième le deuxième choix. Nous verrons bien, il me faudra la convaincre. C'est une Mais nous femme avons un peu plutôt de chance libre. de notre côté, le temps est avec nous. Le jugement n'est pas exigé d'être rendu immédiatement. Aussi, cherche une stratégie. Oula, suis-je en train de chercher une stratégie Mais ne serait-il pas intéressant peut-être de mettre l'accent sur les énormes services qu'elle a rendus pour la justicienne, les menaces qui pesaient et qui pèsent toujours. Elle a sacrifié, enfin, elle a pu sacrifier sa vie pour ça. Le En phéromorphien. effet, j'ai légèrement tenté d'aborder le sujet, mais comprenez-vous, un glorieux passé n'excuse pas un crime passionnel tel qu'il est décrit dans les hautes instances Déjà, de a-t-on notre su, culte. est-ce qu'on a su ce qui a causé cet excès de violence? On ne sait pas ce qui s'est réellement passé. En effet, Mokosh, de ton côté, dis-moi, à quel point as-tu été coopérative avec les autorités J'ai sûrement été silencieuse. D'accord. À ce moment-là, Torik, le commissaire te répond. Ah, vous la connaissez. C'est ce que je On a du mal craignais. à en tirer quoi que ce soit. Serait-il possible d'avoir exceptionnellement l'autorisation de pouvoir la rencontrer et de pouvoir lui parler Je peux seul à essayer de le seul? négocier. Je peux essayer de le négocier. Je pense qu'elle sera plus enclin de discuter avec moi qu'avec d'autres. En effet, pour essayer d'obtenir cette faveur, Ouais, mais j'avoue que autant j'ai toujours su que Mokosh pouvait avoir des excès de violence, autant j'ai moi-même été surpris par ce qui s'est passé. Je cherche une manière, une voie possible pour essayer de la canaliser. Toute cette rage, toute cette haine mise au service d'une bonne cause pourrait. Après, pour être honnête avec vous, Oui. l'hospitalier en question, hein, a un certain passif avec notre groupe. Disons que Oui, je crois me peut-être rappeler. que ça a pu jouer et que ce qui s'est dit à ce moment-là a peut-être fait péter un câble à mon ami. Est-ce que... attends, je sais plus comment il Oui. s'appelle. À ce moment-là, tu vois qu'il commence à allumer sa pipe et se permet de fumer à l'intérieur du parloir tandis que tu lui parles. Attends, du Pense coup, je... s'adossant sur son siège. Oui, j'ai un trou de mémoire, mais il s'appelait comment le gars? Le docteur Collins. Voilà, Collins. Est-ce que le docteur Collins n'a pas des dossiers sur lui, enfin quelque chose qui Non, pour le voyons si discréditer. ça serait bien pratique pour le discréditer en tant On n'a rien que. sur lui. défense, mais malheureusement, nous n'avons pas grand-chose. La rumeur circule comme quoi il aurait pu fréquenter quelques pis, mais les hautes sphères du hôpital et du juge ne lui en tiennent pas plus rigueur que cela, et dans l'affaire, la balance penche plus de son pour son côté que celui de Mokosh. Voyez-vous, même si elle a réussi à éliminer Dr. Collins, son enveloppe charnelle, son fantôme, son aura, elle est toujours bel et bien présente et c'est ce qui lui pose le plus de tort. Enfin bon. J'ai apprécié discuter avec vous et je Moi voulais aussi. également vous soumettre un rendez-vous d'ici 1 à 2 jours. D'accord. Ouais, 1 à 2 journées à l'intérieur du hôpital, de justicienne. D'accord. Bah, je me tiens à votre disposition. Très bien, je vous remercie. Notamment, du coup, si jamais vous voudrez poser quelques questions à Mokosh, pourquoi pas, peut-être que cela nous permettra Oh, d'apaiser je votre esprit. pense qu'on se doit de le faire. Mokosh doit. De votre côté aussi, à ce moment, tu vois qu'il baisse un petit peu le ton de sa voix, puisqu'il y a d'autres personnes qui passent à droite, à gauche, autour de vous, qui s'arrêtent pas là, donc ne sont pas vraiment susceptibles d'écouter ce que vous dites, mais malgré tout, on ne sait jamais, hein, les oreilles traînent. Et tu vois qu'il dit, si jamais d'ici là, vous appreniez des dires d'un ou autre hospitalier quelconque information compromettante au sujet du docteur Collins, n'hésitez pas à demander à cette personne de vous suivre, ça me fera un bon témoin à appeler pour la défense. Si nous arrivons à discréditer l'homme qui a été éliminé, alors Je n'hésiterai pas. peut-être D'ailleurs, le jugement sera plus en faveur de Mokosh. c'est ce que je comptais faire de façon officieuse de mon côté, puisque étant en hôpital, je peux avoir peut-être accès à certaines choses. Oui. Sur ce, nous ne nous sommes jamais vus. Et à ce moment-là, tu vois qu'il te donne une petite tape chaleureuse au niveau de l'épaule et qui commence à légèrement tourner le dos. Ok. Et Et bonne journée à évidemment, vous. partir. Ok. Que fais-tu de ton côté d'ailleurs? Est-ce qu'il y a des choses particulières que tu as fait depuis les 2 dernières journées que tu as passées dans Alors, l'hospice? j'ai finalement pu me purger complètement parce que j'attendais que ça depuis un bon moment. Même si ça ne se prêtait pas à ce qui se passait à ce moment-là. J'ai quand même essayé de toucher deux mots aux gens autour de moi par rapport au petit groupe qui était venu avec nous à Justicienne, par rapport à un logement ou un travail quelconque. Même si j'ai pas mis autant d'énergie que j'aurais pu le faire suite à l'histoire T'as avec tenu ta Mokosh. part. Mais j'ai fait ça vite fait. Et voilà, après j'avoue que j'ai pas eu trop la tête à faire beaucoup de choses, j'ai beaucoup cogité sur ce qui s'est passé, Oui. et voilà. Puis là, bah, je vais remonter et puis je vais m'asseoir tranquillement et ouvrir le courrier qu'on vient de me donner. On sait jamais si une information venait à être dedans ou quelque chose d'intéressant. En attendant, je vais passer du côté de Flux. Flux, officiellement, ces derniers jours, tu es retourné chez toi et tu t'es remis au travail. Officieusement, comment est-ce que ça se passe? Alors, déjà, je travaille un peu sur le fameux disque des Géamétal. De Géamètre, c'est ça. Puisque visiblement, on n'était pas trop Loin. loin de la vérité. Donc, ça m'intéresse quand même. Et ensuite, moi, il y a un truc que je voulais faire, c'est que j'ai essayé du mieux que je pouvais de payer, on va dire, les crieurs de rue pour qu'ils parlent un peu moins de l'affaire dans mon quartier. Parfait. Je te laisse déduire le montant que tu veux en lettres de change. Et l'action sera plus ou moins efficace en fonction de Zany. Après, d'ailleurs, je précise, même si l'événement a été médiatisé, ce n'est pas non plus la une de ce qui se passe. Il est mélangé parmi Bien d'autres sûr. informations, notamment par exemple la venue d'une tempête, qui devrait recouvrir Justicienne d'ici quelques jours, peut-être une semaine. Évidemment, les rapports de guerre, les certains camps ou avant-postes qui tombent aux mains des clans. Et notamment, le nom de Mokosh n'est pas non plus forcément cité. D'ailleurs, parfois, les crieurs donnent un nom complètement random qui n'a rien à voir avec elle. Mais on a pu entendre celui de la massacreuse tueuse en série qui sévit à Justicienne depuis de nombreuses années et qui s'est évadée de sa prison. Enfin bref, le sensationnel est au rendez-vous. Justement, moi je les encourage justement à parler de tout ce qui est aux alentours. Donc vraiment toutes les autres news, tu vois, je leur dis de vraiment en parler plus. Mmh. Parce que justement, moi je veux pas. Enfin, je me fais une petite bulle sans ça. De toute façon, je suis au courant de ce qui s'est passé. J'ai pas besoin de qu'on me le rappelle. Parfait. Tu as donc légèrement avancé sur le disque de GMA et tu auras le droit plus tard à un dé supplémentaire pour effectuer le test avec une difficulté de 5. Ce sera le bonus maximum que je puisse t'accorder sur ce jet-là, d'ailleurs. Pendant ce temps-là, vous autres... Enfin, non. Oula, je viens de sauter une partie entière du scénario. Non, je voulais dire, est-ce qu'il y a autre chose dont tu aimerais parler par rapport à ce que tu aimerais faire aujourd'hui ou... Tu sais que Pryl a laissé un mot auprès de l'un de tes... l'une de tes recrues auprès de Noah pour te dire que il voudra donner rendez-vous avec Torik d'ici... une journée ou deux à Justice. Notamment pour parler du cas Mokosh. Bien, j'attends avec impatience le rendez-vous. D'accord. Mais je peux pas faire plus que ça pour le moment. Oui, bien sûr. C'était pour ça, s'il y a quelque chose de particulier que tu souhaitais faire d'ici là. Malgré tout, oui. Je reste en contact, mais de manière volontaire de mon côté avec le serveur. Mm-hmm. Pour si jamais j'ai besoin de demander un service, que je les ai déjà sous le coude. Très bien. Je sais que ça fonctionne rarement dans ce sens-là, mais justement, c'est pour ça que là j'y vais beaucoup. Je suis en mode, ah, tiens, vous avez pas une petite mission pour moi. Et s'ils ont un truc à faire dans Justifienne, je le fais. Parfait. Mais écoute, je vais te demander un petit G. Quoique. Est-ce que tu demandes le service pour l'instant, de manière purement désintéressée, ou est-ce que tu lis Pour l'instant, je ne demande pas de service. En ce moment, je suis vraiment en mode, si vous avez besoin de moi, je suis là. Tu vois, je vais vers eux pour dire, engagez-moi, je suis là. Mais d'accord. Très pour, au cas où j'ai besoin de demander un service, que je sois déjà là dans leur papier, quoi. Que je rappelle qu'actuellement, je suis là. Oui, tu rappelles ta présence et tu dis qu'actuellement, tu es sur le marché. Exactement. Ok, très bien. Parfait. De ton côté, Torik, tu te trouves au sein de l'hôpital actuellement. Comme tu me l'avais annoncé, tu te poses au niveau de ton petit bureau et tu lis le courrier qui avait été déposé. La plupart des lettres que tu reçois ne sont pas vraiment importantes ni intéressantes même. Elles étaient donc destinées à ton ancien chef hospitalier, feu Dr. Collins. Et la plupart d'entre elles sont soit des lettres de remerciement de par certains services qu'il a pu rendre, des vies qu'il aurait pu sauver. D'autres sont des invitations pour certaines missions ou des postes vacants dans certaines zones occupées par l'hôpital. Pourtant, l'une d'entre elles t'intrigue particulièrement. Mm-hmm. En apparence parfaitement normale, il est expressément écrit à son dos qu'elle doit être remise à Collins en main propre. Visiblement, cela n'a pas été respecté en raison de sa mort, disons, rapide et imprévue. En lisant cette dernière, un message assez rapide indique les phrases suivantes. Collins, le contrebandier, se présentera à la porte est après-demain soir. Signé AZ. Pour le coup, celle-ci est bien plus intrigante que les autres. Est-ce qu'elle est datée ? Non. Parce que du coup, ça peut être un truc qui est vieux, mais parce que demain soir, ça reste... Ça peut être ce soir. Tu penses qu'elle a été remise récemment ? Le contrebandier sera... Ok, sera là. Soupçonne même le fait qu'elle ne soit pas datée puisse être plus qu'un oubli volontaire. D'accord. AZ. AZ. Pour l'instant, ça ne te dit rien. C'est plutôt explosif comme. C'est surtout assez étrange, tu n'avais pas conscience que certains hospitaliers pouvaient avoir affaire avec des contrebandiers. C'est intéressant. Ça vaut peut-être le coup de... Peut-être le coup de d'aller jeter un œil, si c'est ce soir, par exemple. Je suis un coup d'ailleurs, de la porte est, c'est à peu près où ça se trouve. Tu sais oui, que oui, c'est oui. Que l'on donne justement l'entrée est de Justicienne. A priori, il n'y a pas. Oui. Je garde cette lettre avec moi. Je la mets dans ma poche. Est-ce que le bureau de Collins est. Enfin, on n'a rien enlevé de ses affaires encore, elles sont toutes... Bah, tu sais que l'information n'a pas tant circulé que ça, finalement, au hôpital. On a entendu parler du fait qu'un hospitalier a été mort assassiné en ville. Mais on n'y a pas... Enfin, on n'a pas vraiment touché à ses affaires, je sais pas si tu vois, ça reste... C'est pas banal, en fait, c'est... Tu vois, c'est un petit peu comme les faits divers dans notre monde à nous. C'est bah, troublant, ça va choquer, mais ça va pas changer les habitudes. Je serais tenté, honnêtement, d'aller faire un tour dans son bureau. Et de voilà, d'essayer de regarder ce que je pourrais trouver comme document ou truc comme ça, quoi. Tu te diriges au niveau de son bureau et malheureusement, tu te retrouves vite bloqué devant le fait que sa porte est fermée à clé. Alors, est-ce que j'ai moyen de savoir si je peux trouver une clé quelque part ou s'il y a une personne qui serait supposée avoir les clés ou autre que lui ? C'est en effet possible que certains hospitaliers possèdent des doubles, notamment au niveau de ce qu'on pourrait comparer à une espèce de réception du hôpital au final. Si, mettons que l'hôpital soit un hôtel. Du coup, je vais y aller vraiment en mode. Enfin, sans arrière-pensée, en fait, je vais aller voir la réception. Et je dis oui. C'est pas vraiment une réception, mais en effet, tu as cette partie de l'hôpital où une hospitalière ainsi qu'un autre hospitalier, une jeune recrue, on va dire sa marraine. Ouais. On va me dire un petit peu l'intendance au sein de l'hôpital. Du coup, je vais aller à l'intendance du hôpital et de façon vraiment naturelle. Excusez-moi, j'aurais besoin d'avoir accès au bureau du docteur Collins. Malheureusement, je devais le voir. On devait se voir aujourd'hui. Il avait quelque chose à me donner qu'il avait du coup dans son bureau, quelque chose dont j'avais vraiment besoin par rapport à mes études. Et malheureusement, j'ai besoin de le récupérer. Et étant donné qu'il n'est plus là, si c'est possible de récupérer sa clé, je vous la rapporterai dès que j'aurai terminé. Fais-moi un jet de charisme. Négociation. Avec une difficulté de 3, et tu vas pouvoir ajouter ton autorité au nombre de dés que tu lances. Donc tu vas pouvoir ajouter 2 dés supplémentaires. Tu as 2 en autorité. Allez, c'est le moment, c'est le moment. Alors, 4 succès, dont 2 déclencheurs. Tu vois qu'au début, la dame en face de toi est un petit peu réticente, et puis... Comment ça, vous avez rendez-vous avec lui? Non, on devait se voir aujourd'hui, en fait. Oui. Il avait des documents à me remettre par rapport à des études sur lesquelles on travaille en commun depuis quelques temps. Seulement, bah, comme vous l'avez appris, enfin, je sais pas, vous êtes au courant de ce qui s'est passé. Excusez-moi, l'espace d'un instant, j'ai cru que vous l'ignoriez. Non, un terrible choc pour vous. Je sais, je suis tout. Enfin, nous sommes tous ici choqués et peinés par la mort de cet homme exceptionnel, hein, on peut le dire. Hein. Un grand homme, ça c'est sûr. Il en faudrait plus des comme lui. Mais voilà, la vie continue et les études que nous menions sont extrêmement importantes et pourraient améliorer le quotidien de plein de gens. Évidemment, le destin du monde est entre nos mains. Tenez, tu vois qu'à ce moment-là, elle pose les clés au niveau du petit promontoire qui soit à côté d'elle. Pas la peine de me les ramener. Il aurait voulu que son bureau vous revienne. Maintenant, je ne dis pas que l'intendance d'hôpital n'ira pas le réquisitionner plus tard. Hein. Vous avez votre propre bureau, mais... En attendant, il est à vous. Ah ben, je vous remercie beaucoup. Et sachez-le, où qu'il soit, je pense qu'il est fier de vous. Je l'espère. J'espère que vous dites vrai. Ainsi, tu récupères les clés et te diriges au niveau de son bureau. Assez facilement, tu arrives donc à pénétrer à l'intérieur de la pièce. Voilà. Très peu aérée et étonnamment poussiéreuse pour... une zone d'hospitalier. Alors, on parle pas d'une cabane abandonnée au milieu des bois, hein, mais... tu sens qu'il y passait pas tant que ça non plus. Ok. Bah, du coup, je rentre. Et par pure sécurité, je referme derrière moi à clé. D'accord. Comme ça, pas de surprise, personne ne viendra m'ouvrir pendant que je suis en train de tout déballer. Bah, du coup, je vais chercher dans les tiroirs ou les choses... S'il n'y a pas quelque chose de caché... Tu vas me faire un jet de... Instinct perception, s'il te plaît. Deux succès. Simple. Ok. Malheureusement, t'as du mal à trouver grand chose d'intéressant. Tu vois que, au-delà de quelques, on va dire, faits d'armes accrochés à ces murs, alors par faits d'armes pour un docteur, c'est plus des personnes qu'il a sauvées dans des conditions compliquées, ou alors des personnalités importantes, tu découvres des piles et des piles de papier à l'intérieur de son bureau. Et t'as du mal à obtenir quoi que ce soit, mais. Tu trouves certains documents légèrement étranges. Mmh. Notamment par la présence d'armements et de lettres de change indiquées à côté à l'encre. D'armements. Donc c'est comme des transactions en fait, comme un livre de compte qui est relativement étrange pour... Est-ce que c'est indiqué genre... un nom, enfin, il y a des noms qu'on retrouve sur ce livre de comptes. Non, mais tu retrouves un bout de lettre déchiré au niveau du même dossier, également signé par AZ. Bah, je vais garder les documents qui font mention de ça, le livre de comptes, le document avec AZ écrit dessus. Ce qui me permettra peut-être plus tard, parce que là je suis un peu en mode je cherche, je vais pas y passer toute la journée, donc je cherche pas à fond, mais si je jette un coup d'œil plus tard de façon plus tranquille et reposée, peut-être que je verrai d'autres choses. Puis ben après je continue à chercher, puis si vraiment je trouve rien d'autre, je vais pas m'attarder. Après j'essaie quand même de voir s'il y a pas des trucs planqués ou un tiroir avec un deuxième fond ou tu sais des trucs. Je vois. Voilà. Malheureusement tu ne trouves rien. Rien. Ok. Je vais te demander quand même un petit jet de psyché intel. Non. Qu'est-ce que je raconte? Un jet d'intellect. Focus, s'il te plaît. Avec une difficulté de 3. Eh bien, 4 succès, dont 3 déclencheurs. Au moment où tu t'apprêtes à partir, quelque chose retient tout de suite ton attention. Et tu ne peux t'empêcher de retourner à nouveau ta tête en arrière. En effet, tu retournes au niveau des documents et quelque chose te semble relativement perplexe. En effet, certains d'entre eux sont annotés de dates. 2594, tel mois, tel jour, etc. Mais d'autres parmi eux sont datés de dates qui ne sont pas encore arrivées à jour. En d'autres termes, certains documents sont, ou l'aide qu'il a pu recevoir sont par exemple dites être arrivées dans un mois ou dans 6 mois. Huh. Quelque chose de relativement étrange puisque ces dernières d'ailleurs ne comportent rien d'intéressant en termes de texte, simplement d'autres éléments de dates, parfois passées, parfois futures. Parfois d'ailleurs étonnamment passées comme... des termes d'avant l'apocalypse. Ah oui. Ou des prédictions qui semblent indiquer une période qui pourrait remonter à plus de 500 ans. Sur le coup, tu n'as pas fait du tout attention. Quand tu fouilles comme ça, tu cherches des mots-clés. Tu ne te focalises pas sur les dates. C'est seulement au dernier moment où quelque chose t'a titillé à l'esprit. Maintenant, il y a soit deux thèses, selon toi. Soit, en effet, ton cher docteur Collins était doué des capacités de voyager dans le temps et ainsi... remonter le futur et le passé, soit il se trouve caché un code à l'intérieur de ces faux termes. Sous l'habillage de dates, des mots seraient glissés et ouais, donc c'est des messages cryptés, quoi. Exactement. Ce qui t'intrigue encore plus. Depuis qu'il est mort, tu sembles découvrir toute une nouvelle facette de ton ancien chef. Tu décides donc de prendre les documents et de partir en direction de la justicienne avec ces derniers. C'est ça. Parfait. Maintenant, je vais venir au niveau de Mokosh. Mokosh, toi, ça va faire plusieurs jours que tu te trouves à nouveau dans une cellule. Bien moins luxueuse que la dernière. À côté de toi, tu entends des ivrognes hurler toute la nuit. Ils engueulent et insultent les juges qui se trouvent de l'autre côté de la caserne. De temps à autre, une juge passe et est censée t'apporter à manger. Est censée puisque la plupart du temps, elle décide de le manger devant toi, devant ta grille, en te narguant bien correctement. Alors comme ça, on n'aime pas les juges, hein? Son nom, t'as pu le noter, bien profond au fond de ton esprit. Caroline, ma sœur. Je vais t'apprendre à être poli, moi. Dit-elle avant de cracher dans la soupe qu'elle te tend ensuite au niveau de la porte de ta cellule. Je ne réponds pas. Je prends la soupe et je la bois en la fixant dans les yeux. Ok. Tu penses l'avoir assez facilement discerné, on est en plein face à la personne en manque, on va dire, d'ego qui compense par un comportement relativement toxique envers les autres. Et elle a l'air de passer le plus clair de son temps à essayer de te provoquer et en espérant peut-être une réaction violente de ta part, ce qui pourrait la stimuler dans le sens où forcément séparée par cette barrière... physique, tu ne peux rien lui faire, contrairement à ce pauvre Dr. Collins. Un peu plus tard, tu recevras la visite de 3 personnes. Le commissaire Pryl, Torik et Afflux. On se trouve là donc 2 jours après les derniers événements que nous avons joués il y a un instant. Torik, tu t'es donc rendu à nouveau à Justicienne où tu as retrouvé Efflux vous avez discuté avec notamment le commissaire pour la L, qui prend finalement la parole par rapport à Mokosh, et vous invite à aller la voir. Allons-y. Oui. Pour la faire simple, le commissaire Préel demande à ce que Mokosh soit transféré dans une salle plus, disons, neutre, comme un parloir, où il pourra s'entretenir avec cette dernière. Il souhaite commencer par s'exprimer seul avec elle, ensuite vous pourrez vous rendre également à l'intérieur de la salle. Enfin, du parloir. Ok. Malheureusement, pour le processus, Mokosh... les juges tenanciers de la caserne demandent à ce que tu sois menotté tout le long. Comme si on craignait une tentative d'évasion. Tu trouves donc ici, ainsi incise à l'intérieur de ce parloir fait de fer et d'acier. En face de toi, le commissaire Bray, elle, s'avance et s'assoit à nouveau. Il allume sa pipe et soupire. Combien de fois est-ce qu'il faudra que je vous sorte de prison ? Je sais pas. Vous savez, je commence à regretter mon investissement. J'ai parié sur vous, moi. Si ça continue comme ça, vous allez me décrédibiliser. Alors bon. Je sais pas demander de le faire. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je vous laisse pourrir la gueule ouverte, comme un chien. Un animal qu'on voudrait abattre. Peut-être que je devrais. Écoutez, j'ai essayé de négocier votre cas au possible. Et j'ai quelques bonnes et quelques mauvaises nouvelles pour vous. Disons que j'ai conclu en votre nom un arrangement que vous êtes libre de refuser ou non. Pour commencer, la sentence d'une une exécution publique a tenté bon nombre de juges qui souhaitaient faire un exemple. Maintenant, heureusement pour vous, l'affaire n'a pas trop pété bruité. On en a parlé dans à peu près toute la ville, mais pas plus en détail. Les gens ne connaissent pas les faits exacts qui se sont passés. Et j'espère utiliser cette zone de flou à notre service. Tu vois qu'il prend une longue inspiration. Voilà ce que je vous propose. On viendra sans doute vous interroger à nouveau sur les raisons de l'acte que vous avez commis. Ne répondez rien. En fait, continuez de faire ce que vous faites le mieux. Ensuite, nous allons tenter de négocier une certaine, disons, liberté conditionnelle. Ce qui implique certaines contraintes. La première sera l'interdiction pour vous de quitter la ville. Vous devrez venir me rendre... compte tous les jours à la caserne, à moi ainsi qu'un autre parti neutre. Si jamais vous veniez à manquer à ce devoir, ne serait-ce qu'une journée, des hommes seraient lancés à votre poursuite avec autorisation de vous récupérer mort ou vif. La deuxième contrainte sera que vous serez marqué. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsque vous commettez un crime au sein du protectorat, les juges vous marqueront le corps à l'aide de matériel. Plus le crime est grave, plus la marque restera longtemps. Et si on vous prend à commettre un crime en présence d'une première marque, que l'on pourrait apparenter à un genre de tatouage plus ou moins temporaire, la sentence peut être relativement élevée. Ainsi, si un voleur ayant une marque sur les mains ne risque que de se la faire couper en cas de récidive, nous allons vous marquer les bras. Et si on vous surprend à nouveau en train d'éliminer une personne innocente, vous serez exécuté immédiatement, dans les plus brefs délais. Est-ce que cela est plutôt clair pour l'instant ? Ouais, je comprends. J'espère que vous réalisez que ce que je vous propose là relève du miracle. Mais malheureusement, il y a d'autres contreparties. La première est que vous allez rendre quelques communs services auprès de certains sénateurs, afin d'améliorer votre réputation au niveau des juges et d'espérer être tiré d'affaire. J'ai réussi à les convaincre que vous aviez du potentiel et que, si vous vous battiez en leur nom, vous pouviez accomplir des miracles. À vous de leur prouver. Et enfin... Votre ami Torik a mis la main sur un fait plus ou moins étonnant sur lequel je travaille encore. Il se trouve que l'homme que vous avez éliminé semble trempé dans des affaires plus ou moins étranges. Il a reçu plusieurs lettres dénommées AZ, que je pense être un certain Azorius. Nom de code utilisé par un criminel notoire depuis quelques années. On n'a jamais vraiment réussi à mettre la main dessus, mais il semblerait qu'il sévisse encore. Cela parle de contrebande et d'un homme qui devrait arriver d'ici quelques jours en ville. Je vous conseille d'enquêter là-dessus. Si jamais nous arrivions à mettre la main exactement là-dessus, sur les faits notamment... qui pourrait éventuellement discréditer votre opposant. Cela pourrait vous être d'une forte utilité. Est-ce que vous me suivez ? Ouais. Très bien. Maintenant, de vous à moi, et là tu le vois qui jette un petit coup d'œil au-dessus de son épaule pour voir si on l'écoute. Que vous a dit Collins ? Exactement. Pourquoi vous voulez savoir ? Comme ça. Écoutez, après tout ce que j'ai fait pour vous, c'est la moindre des choses, non ? Il a dit des choses que j'ai pas appréciées sur avis. C'est pour ça qu'il vous avait fait venir ? Il voulait savoir si j'étais au courant de certaines affaires dans lesquelles il semblait trempé. A priori, ce que vous venez de découvrir avec Tori. Cela pourrait jouer en notre faveur. Voyez-vous, plusieurs témoins travaillant pour votre ami Afflux peuvent valider le fait qu'un homme est venu vous voir à son... un établissement et vous a donné rendez-vous de la part du docteur Collins. Ce qui prouve que c'est lui qui a fait, disons, le premier pas vers vous. Vous n'êtes pas allé le voir dans l'objectif de l'assassiner, vous avez répondu à un appel. C'est un élément qui pourrait jouer en votre faveur. Là-dessus, laissons rentrer les autres. Tu le vois qui se lève et qui va ouvrir une porte à l'arrière du parloir et vous laisse rentrer Torik et Afflux. Merci, commissaire. N'oubliez pas, dit-il avant de partir, rendez-vous ce soir à la caserne Nord. Et Mokosh, ce sera la dernière fois. Et à ce moment-là, il se retourne et il s'en va. Enfin, voilà. Wow, Mokosh. Comment ça va ? Ça va. On te fait pas trop la misère ici ? Ça va. C'est moins sympathique la dernière fois que dans une cellule. Ouais. J'imagine que ça peut aller. Ouais, je sais que les juges. Tu es désormais libre de partir. Quoi ? Et puis du coup, tu es désormais libre de t'en aller. Ah, ça y est, il a la conditionnelle ? Ouais, exactement. Ah, ça y est. Puisque le commissaire Pry, elle, a réussi à convaincre, on va dire, les hautes instances juges que il y avait du monde, notamment par l'apport des documents que toi tu as fournis, Torik. Que finalement il y avait, on va dire, du justifiable dans l'injustifiable qui a pu se produire. En tout cas, à l'intérieur du fond. Ouais, enfin, il y a une zone d'ombre qu'ils ont envie quand même de creuser avant de... Exactement. Bon, bah déjà, c'est une bonne chose. Tu vas au moins pouvoir sortir de là. Même si... on est bien d'accord qu'il va falloir que tu te tiennes à carreau. J'ai l'impression. Moi, c'est ta dernière chance, même si je sais que Cet enfoiré de Collins. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il t'a dit, mais. Ça pas dû être très sympathique pour que tu réagisses comme ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce que vous vous êtes dit là ce soir-là? Il nous a fait, enfin, il m'a fait appeler surtout pour savoir si je savais des choses à propos d'affaires dans lesquelles il serait trempé. J'ai pas plus d'infos que ça là-dessus. Et ce qu'il m'a dit, tout simplement, il a sûrement trouvé amusant de dire qu'Abby s'était suicidée, qu'elle m'avait abandonné. Ouais, il savait que ça allait te faire péter un plomb. Après, je pensais pas que. Enfin, il a pas dû penser que t'allais finir par le tuer, mais. C'était des paroles blessantes gratuites. C'est Collins, quoi. Ouais. Ouais. Pas bon. Même s'il le méritait, t'as quand même un peu déconné, quoi. Je sais. Enfin, on va essayer de. On va essayer d'enquêter sur ce que j'ai réussi à trouver dans ces papiers. Je sais pas, ça a l'air louche. Je trouvais des papiers qui mentionnent des armes. Je sais pas, il baignait dans un truc bizarre. Depuis, c'est. Je trouvais une espèce de code. Des messages codés, j'ai pas encore vraiment réussi, j'ai pas réussi à trouver exactement la manière de décoder ça, mais je pense que si on essaye de s'y mettre à plusieurs et si Flux peut nous donner un coup de main là-dessus, il y a peut-être moyen de résoudre cette affaire, de discréditer Collins et te faire sortir blanc comme neige. Qui sais-tu? Tu vas peut-être finir avec une médaille, hein? Je crois pas spécialement, mais Moi non plus, mais bon. Si on arrive à faire mouiller Collins avec ce AZ, Azorius ou. Bah, franchement, ça peut être un gros dossier, quoi. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il t'a demandé à savoir si tu savais des choses. Peut-être que c'est en rapport avec ça. c'est possible. Ouais. Bon, bah écoute. De toute façon, on va sortir de là. Ah oui, là on peut. Mais disons que là, peut-être on peut profiter de ce moment-là, on peut pour discuter tranquillement sans que personne nous emmerde. Parce que je pense qu'une fois dehors, faut pas se leurrer, hein. Les juges, ils vont pas nous laisser tranquilles comme ça. Hein. Tu seras beau Ouais, il sorti. y a sûrement quelques personnes en ville qui sont pas d'accord avec le fait que je puisse me balader. Voilà, donc. Après, de ce que j'ai entendu dans les rues, ton identité n'est pas publique. T'as déjà un surnom de massacreuse, de je ne sais plus quoi, mais personne ne sait qui est Mokosh. Pas encore. Tant mieux, et que ça reste comme Pas ça. encore. Faut que ça reste Ouais. comme ça. Le moment où on parlera de toi, le mieux c'est. Je suis là. D'ailleurs, j'ai partagé, comme tu l'as dit, hein, j'ai partagé mes infos avec le commissaire et avec toi, et Flux, du coup. Mais c'est vrai que ce serait intéressant je sais pas si tu peux voir toi de ton côté, et Flux, ou avec tes employés. D'essayer de décoder ces messages, trouver la clé pour décoder tous les messages que recevait Collins. Parce qu'une fois qu'on pourra traduire tout ça, je pense que ça va grandement nous aider pour l'enquête. Au besoin, je peux faire une demande au serveur. Après tout, normalement, on s'en sort plutôt bien dans tout ce qui est ce genre de domaine. Bon, ça risque de me demander de faire quelques services dans le futur, parce que c'est le serveur généralement qui demande, pas l'inverse. Oui. Mais ça nous reste une solution. Ouais, ça pourrait être intéressant. C'est vrai que si on pouvait mettre en corrélation les deux, ce Azorius avec Collins, je pense que tu serais tranquille. Ma coche a juste tué un criminel. Hein. Voilà, c'est ça. Elle n'a fait qu'appliquer la loi. Et en, toute connaissance de cause, mais elle ne pouvait pas en parler avant d'être sûre. Tout à fait. En effet, qu'en connaissant un petit peu Fry-El, pour qui au final vous n'êtes que plus que, on va dire, des associés à qui il couvre les arrières lorsqu'il le peut, sans forcément du coup y mettre plus de cœur que ça, vous savez qu'il est clairement capable, c'est dans son style par exemple, de jouer sur ce genre de zone d'ombre pour par exemple, si jamais Mokosh se mettait à travailler un temps pour les juges, de dire que elle était déjà en mission au moment du meurtre et que tout cela ne faisait partie par exemple que d'une couverture ou que ce soit d'autre et qu'il pourrait ainsi parfaitement la réhabiliter, en tout cas en termes de... Oui, parce qu'on pourrait très bien prétexter que réputation. Le docteur Collins... Son coup ou pas. Non mais après on pourrait très bien prétexter une fois qu'on le jour où on aura les preuves pour dire que Collins s'était mouillé avec ce Azorius, on pourrait très bien prétexter que Collins l'a su et a essayé de l'acheter et que vu qu'il n'avait pas réussi à t'acheter, Mokosh, il a essayé de te tuer, tu t'es défendu et il en est mort. Sauf que tu ne pouvais pas à ce moment-là amener les preuves comme quoi il était mouillé avec ce Azorius et que du coup tu ne pouvais pas en parler ouvertement jusqu'au moment où on aurait les preuves et là tu serais une héroïne. Mais tout ceci n'est que fait. Voilà. Voilà, on parle de fait là. Voilà. C'est tout à fait. Enfin bon, maintenant, il nous faut résoudre cette enquête. Oui, mais ça... Nous sommes compétents, après tout. Ah ouais. On a déjà battu bien des choses. C'est ça. Du coup, on a en piste que c'est potentiel code. Au moment où vous devez ressortir oui. De la pièce, en tout cas du bâtiment, vous voyez du coup que l'entrée n'est pas gardée. Mokosh peut donc sortir théoriquement avec vous en tout cas de la pièce et descendre le petit couloir de la caserne jusqu'à tomber sur la fameuse Caroline ainsi que d'autres juges qui vont sans peine lui la démenoter dans un premier temps, ainsi que lui faire les marquages dont j'avais parlé précédemment, c'est-à-dire des sortes de tatouages que l'on fait le long des bras de Mokosh et qui indique en langage juge que cette dernière a commis un meurtre et qu'elle serait amenée à se récidiver. Et que si elle serait amenée à récidiver ou à commettre un quelconque crime d'ici à ce que la marque disparaisse, on autorise quiconque à l'exécuter sur le champ. Mokosh, on te donne également l'information suivante. Cette marque, en vue du crime et des soupçons qui pèsent sur toi pour le moment, restera minimum un an avant de commencer à s'effacer. Alors, j'ai une question. Est-ce que, malgré tout, elle a quand même le droit de porter son espadon ? Oui, bien sûr. Ok. En fait, c'est... cool. Comme je dis, elle est dans une zone un petit peu, on va dire, donc de flou qu'utilise Pry-El pour lui redonner certains droits, en fait. D'accord. C'est genre, vous avez un bracelet électronique, mais vous avez le droit de porter un flingue. Pas de problème. c'est à peu près ça. C'est, oui, mais elle est... Enfin, si on en fait plus ou moins, on va dire, une mercenaire à la solde du protectorat... Est-ce qu'on pourrait pas rattraper, faire d'une pierre deux coups, gagner un nouveau membre très intéressant et lui filer à cette affaire d'Azorius au final, qu'est-ce que la justice comparée à tout ça quoi. Même si évidemment après elle sait très bien que ça fera pas long terme et que Mokosh a absolument pas dans l'idée de devenir un soldat à la botte du Protector. Mais bon, ça reste un commissaire et c'est un très haut rang chez les juges et il n'est pas là pour rien. En tout cas, on a de la chance de l'avoir parmi nos contacts parce que... Après, il faut aussi avouer, malgré tout, en effet, pour quand même remettre en perspective que la grande majorité du temps, vous lui avez rendu l'investissement qu'il avait mis sur vous. Vous sortez alors de la caserne et vous vous rendez à nouveau au niveau de chez Flux, où vous voyez ces petites recrues vaquer à leurs occupations. Vous retrouvez d'ailleurs Casse-Gueule et son petit frère, ainsi que Noah et les Bris espagnols en train de travailler. Mais moi j'ai tous mes documents sous le bras. Okay. Tout ce que j'ai récupéré, le carnet, voilà. Je fais ça. Voilà, allez. Voici sur quoi nous allons travailler pendant les prochains jours. D'ailleurs, vous remarquez qu'au sein de la pièce principale, puisque pour rappel, le bâtiment est globalement découpé en deux pièces, une pièce principale qui fait un peu justement boutique, bien que ce ne soit officiellement pas une, et une arrière-boutique qui est, on va dire, un petit peu l'atelier de Flux. Donc dans cette zone principale, ce genre de hamacs ont été accrochés de part et d'autre de la pièce, au niveau des coins notamment, pour permettre aux enfants de dormir tout simplement, si jamais ils le souhaitent, à l'intérieur. Puisque évidemment, ils se sont plus ou moins rendu compte que la zone était quand même assez dangereuse. Notamment depuis l'enlèvement de Casse-Gueule. Ça donne pas envie de se balader tard le soir dans Justine. Ouais. Bon, mais mes amis, on a du pain sur la planche. Cette clé à trouver et ce rendez-vous qui a été donné alors peut-être ce soir, parce qu'il n'y a pas de date réelle, donc tu présumes que ce sera soit ce soir, soit demain soir, soit peut-être après-demain soir, tu sais pas quand est-ce que c'est pas très très clair, tu n'as pas assez d'informations pour pouvoir résoudre ce jeu. Mais oui, en tout cas, voilà, se rendre à la porte est. Porte est ce soir. Pour rencontrer ce fameux contrebandier. Je sais pas si. L'idéal serait de savoir est-ce qu'il est au courant. Enfin, est-ce qu'il a déjà vu Collins est-ce qu'il s'attend à avoir un hospitalier? En quel cas, si ça attend à avoir simplement un hospitalier, je pourrais très bien me présenter à sa place. Je sais pas ce que vous en pensez. S'il l'a jamais rencontré, ça peut passer. Et s'il l'a rencontré... Après, je peux très bien prétexter qu'on m'envoie à sa place... parce qu'il est souffrant que sais-je. Si c'est une histoire plutôt illicite, je pense que ça passera beaucoup moins. S'il est là, c'est parce que c'est quelqu'un de confiance, c'est tout. Alors, en même temps, comment est-ce que j'aurais... eu le message qui était censé être donné en main propre. Étant donné que l'histoire a été quand même assez peu ébruitée, la mort de Collins a été peu ébruitée malgré tout. C'est peut-être... quand même un sacré pari. Hein. Ah bah après, de toute façon, que pouvons-nous faire d'autre, je veux dire. Il est censé rencontrer quelqu'un. On parle surtout de l'excuse de dire que il est malade et que du coup c'est toi qui a sa place. Ou alors je peux la jouer masque à gaz, hospitalier masque à gaz. on se ressemble tous. Personne se balade avec des. Tout ça marche avec les flux. Hein. Ça se trouve j'ai déjà croisé, je sais pas. Après, on peut très bien jouer sur les jeux d'ombre, vu que ça, c'est censé être le soir. Si je me mets dans un angle où on voit très mal mon visage, étant donné que nous, hospitaliers, nous sommes tous chauves, rasés de près, on se ressemble un peu tous. C'est vrai, il faut le dire. Du coup, si je garde une certaine distance et que mon visage est très peu éclairé, ça peut peut-être le faire. Après, il faut aussi prendre en compte que si tu en as conscience, il en a conscience aussi de vos conditions d'hospitalier. Et si on est vraiment sur quelque chose ici, t'es d'un peu grave, je pense qu'il fera un peu attention à qui il parle. Je pense qu'il faut tenter, hein, mais il faut s'attendre à ce qu'il soit plus malin que juste on reste caché et tout ira bien. Après, il faut mettre plusieurs possibilités et penser à plusieurs choses pour essayer de... Voilà. Et faut si l'attraper s'il essaie de s'enfuir. Et si, voilà, et si vraiment... ça... Non, mais si vraiment on n'arrive pas, bah, il faudra le choper et le faire parler d'une façon ou d'une autre. De toute façon... On est d'accord, c'est un contrebandier et il vient enfin de la part d'Azorius. C'est pas quelqu'un qui va venir se défendre en disant je suis un honnête citoyen, j'ai rien à me reprocher. C'est pas la personne qui va lui parler. Donc on n'aura aucun scrupule à le récupérer. La seule chose c'est que il faudra faire en sorte que on soit sûr de ne pas être suivi. Parce que comme je vous le dis, je pense que peut-être certains juges ne sont pas forcément d'accord avec la situation. Ils pourraient très bien décider de suivre Mokosh et les pieds, tous ces faits et gestes. J'ai peut-être un plan pour ça, inspiré d'une rencontre fortuite que nous avons eue. Mais si on arrive à trouver la technologie nécessaire, on peut essayer de se faire une sorte de petit drone pour essayer de survoler la zone. Ah, c'est pas bête. Si c'est ce soir, c'est peut-être un peu chaud. Si c'est demain soir, c'est peut-être mieux. En effet, c'est peut-être un petit peu chaud pour ce soir, mais tu sais que si jamais c'est le lendemain, avec un petit peu de ferraille achetée sur le marché et quelques artefacts directement récupérés auprès des chroniqueurs, tu pourrais potentiellement te le permettre. Je sais pas si c'est le matériel nécessaire est vendu en libre circulation, mais de par tes contacts au serveur, tu peux potentiellement acquérir ce dont tu auras besoin. C'est justement pour ça que de toute façon je suis en train de vendre les services au serveur de manière très très... C'est ainsi que vous vous rendez, d'ailleurs j'en profite, au niveau de la porte en question. Mokosh, tu réalises déjà quelque chose de primordial. Lorsque tu te balades dehors, manches retroussées, comme représenté sur ta feuille de personnage depuis maintenant un peu plus d'un an, les gens ne peuvent pas s'empêcher de jeter quelques coups d'œil, parfois craintifs, parfois plutôt méfiants, à ton égard, de par les marques qui sont ornées. T'as presque l'impression d'être une membre de gang qui porterait fièrement des tatouages incriminants. Les juges s'arrêtent lorsque tu passes à leur niveau. Les dames écartent légèrement leurs enfants. Tu portes, il faut dire également, la marque la plus, on va dire, dangereuse d'entre toutes, celle du meurtre. Donc la plus connotée, évidemment. Vous vous rendez finalement au niveau de cette fameuse porte, et je vais vous demander tous de me faire un jet d'instinct perception, s'il vous plaît. Un G2 Instinct perception. Instinct. Pour voir si vous arrivez à trouver la personne que vous cherchez. Avec une difficulté de 3. Bah, je l'ai pas réussi. Ok. 3 succès, 3 déclencheurs. Ah, heureusement qu'on a Tori qui l'a. De votre côté, Flux et Mokosh, vous avez de la chance à faire autant de crânes que de de réussite ne provoque pas que d'échecs critiques, il faut en faire plus que de réussite. Donc, vous n'êtes pas en échec critique, vous êtes juste en échec. Torik, au bout de quelques heures, tu vois plusieurs silhouettes apparaître, marcher dans la rue, et tu es strictement sûr que aucune d'entre elles ne pourrait s'apparenter à un quelconque contrebandier, seulement des paysans. Rien de plus. Et vous décidez au bout d'un moment de rentrer, vous faites tout ce que vous avez à faire d'ailleurs sur le chemin, que ce soit manger et tout ça. Et tu supposes que ce sera sans doute plus le lendemain minimum. Ou le soir d'après. Bon ben, Flux, tu vas pouvoir essayer de te fabriquer ton petit machin là. Soit je pars du principe que j'ai déjà commencé à chercher parce que... Mais cette nuit-là, vous allez crécher chez Flux et le lendemain, vous êtes réveillé par un coup de poing qui tambourine au niveau de la porte de ton bâtiment, Flux. De ta petite bâtisse. J'y vais. Avant d'ouvrir la porte, tu es déjà sûr de qui, globalement, à peu près, va t'ouvrir. Notamment du fait que le fer de son gantelet résonne sur la porte. Tu sais qu'il s'agit là d'une personne en armure, et notamment, tel que te l'indique sa silhouette, un autre chroniqueur. À son allure, tu en déduis qu'il s'agit d'un ingent, donc ce n'est pas un chroniqueur de haut rang. Et il se présente à toi. Statistique, bonjour. Flux, enchanté. On m'a signalé que vous quémandiez de la part du serveur une potentielle affectation. C'est possible. Très bien. J'ai moi-même fait le lien entre vous et le recensement d'une certaine Mokosh, qui elle-même actuellement bénéficie d'un traitement particulier déclenché par un certain... À ce moment-là, tu le vois en train plus ou moins de fouiller ses données. Pris elle, notamment au sein d'un système de réhabilitation personnalisé. Et donc ? J'ai quelque chose à vous confier qui pourrait nettement améliorer le dossier de votre ami et correspondre aux besoins que vous avez émis par rapport à votre serveur, en plus de rendre service à ce dernier. Je suis tout oui. Parfait. Voyez-vous, la mission que je souhaite vous proposer est particulière, mais pourrait convenir aux besoins de votre ami. Nous recherchons un certain Viplin, que nous savons être un homme condamné aux travaux forcés sur la place publique. L'objectif est le suivant, éliminer ce dernier. Complètement, le supprimer. À ce moment-là, d'ailleurs, j'ai un petit peu passé ça, mais évidemment, il ne t'en parle pas en plein milieu de la rue, juste devant ta porte, il rentre un peu à l'intérieur et t'accompagne dans l'arrière. Je sais que cette mission peut paraître froide, dit comme ça, mais cette personne est témoin dans un procès relativement tendancieux, et en plus de ça, n'est pas une personne, disons, moralement fiable. Cela faciliterait donc grandement les choses et grandement le grand projet que de l'éliminer directement. Si d'ailleurs sa suppression pouvait paraître pour, ou en tout cas passer pour un accident quelconque, cela nous arrangerait bien, si vous voyez ce que je veux dire. C'est au nom du serveur ? Bien sûr. Je vous envoie l'affectation et l'accréditation et toutes les données nécessaires immédiatement. Et d'ailleurs, effet, au niveau de ta petite bulle de flux statique comprise à l'intérieur de ton petit, de ta petite maisonnée, tu reçois tout ce qu'il faut pour cela. Bien, je te remercie grandement, statistique. Eh bien... C'est tout à fait normal. Bonne chance. Flux, à toi aussi. Là, il s'en va. Bah, je vais aller réveiller mes amis. Ouais. Pour ceux qui sont pareils. Et en servant un petit déjeuner de manière nourriture saine et ce qu'il faut juste pour être nourrissante. Ouais. D'ailleurs, j'en profite un petit peu pour détailler un petit peu plus ce que tu viens de recevoir exactement comme mission. Ce que vous apprêtez à faire est malgré tout finalement officiel. Dans le sens où même si on te dit pas clairement va assassiner quelqu'un, puisque ça c'est pas légal, on fait appel à vous parce que on sait qu'on peut se le permettre pour ce truc un petit peu de bas étage. Mais ce n'est pas du coup concrètement illégal dans le sens où si vous faites choper dans un endroit où vous n'aviez pas le droit d'être, tu as une accréditation qui te permet de t'en servir comme passe-droit. Même si cela, bah, tu le sais, n'est pas... Disons que c'est un petit peu à utiliser en dernier recours, quoi. Oui, oui. Donc, en fait, tu ne risques rien à proprement parler, quoi qu'il arrive. Je peux avoir le nom de la personne à tuer, s'il te plaît? Oui, je te l'écris. Merci. Fippling. Ok. Qui est du coup témoin dans une affaire. Je sais pas exactement comment ça se passe. Ah. Excuse-moi. Non, mais il n'y a pas de soucis. Hop. C'est ça, et du coup, il doit être exécuté. Condamné aux travaux forcés. Oui, voilà. Condamné aux travaux forcés. C'est ça. Et donc, il est sans doute en train de rénover une certaine partie de la ville, laquelle exactement, on n'a aucune idée. Oui, bah ça va faire partie. D'informations sur sa position, mais tu sais que tu pourrais sans doute pouvoir l'obtenir. Ok. Il est sans doute recensé quelque part qui travaille où. Et pour encore combien de temps. Du coup, en attendant le déjeuner à mes amis, si présents. J'ai reçu une visite ce matin de la part du serveur. Et on a moyen d'améliorer factuellement le dossier de Mokosh en leur rendant un petit service. Ça fonctionne souvent comme ça, de toute façon avec le serveur. Disons qu'il y a une personne qui est condamnée aux travaux forcés, qui est témoin dans une affaire qui gêne un peu, et qu'on peut officiellement, au nom du serveur, mettre fin à la vie de cette personne. En contrepartie, il nous donne quelque chose qui aidera le dossier, mais dont ils ont eu l'origine pour le moment. Ça fonctionne souvent comme ça avec le serveur. Avec juste une petite condition que ça serait bien que ça ressemble à un accident. Donc en plus de ça, on évite de le faire publiquement et de réaccuser Mokosh. Que ça serait pas très malin. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Écoute, c'est faisable. C'est pas quelque chose qui m'enchante, mais s'il faut le faire. Oh, ça va, t'as tué plein de gens. Il est de même Akabi. Et il est pas différent de tous ceux qu'on a tués précédemment. Bon. Ce que je veux dire, bah, c'est que... Dans ce cas-là, ce n'est pas une personne innocente. Ok. C'est... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est condamné aux travaux forcés. C'est quelqu'un qui est un malandrin. Qui est sûrement pas très net. Donc voilà, je te demande pas de tuer un petit enfant innocent. Non, mais c'est pas mon style de tuer les enfants. J'espère bien. Du coup, il s'appelle Vipelin ou Vipeline, je ne sais pas comment ça se prononce. On sait qu'il est aux travaux forcés, donc il est en train de travailler dans la ville. Ou encore, je ne sais pas. Mm-hmm. Mais ça, je pense qu'on va pas mettre trop longtemps à le deviner. Non. Après, tu sais où on peut trouver exactement ? Il est en train de faire des travaux dans la ville. D'accord. C'est notre but. Notre but, c'est de le retrouver et du coup mettre fin à sa vie. De manière accidentelle. Mm-hmm. D'accord. Bon, après... Mais entre ton réseau, mon réseau, celui-là de Mokosh, s'il tient encore debout... Je suis pas sûr que j'ai un réseau. Après, moi, si vous voulez que ce soit, disons, discret, je peux très bien concocter un petit cocktail qui serait injecté par inadvertance et qui provoquerait une mort tranquille et sans douleur. Et puis même retardée. Un accident. Voilà. En autopsie. Pardon ? Qui passerait pour un accident à l'autopsie ? Ah oh bah après je peux très bien moi me charger de l'autopsie et puis c'est terminé. Oui. Après je vous montre pas de jet pour savoir ça, mais vous savez qu'en effet s'il s'agit d'un condamné aux travaux forcés, si la mort a pas spécialement l'air inquiétante, il y aura pas d'autopsie. Hein. On en a rien à faire, ils le mettront dans une charrette pleine de cadavres et ils l'emmèneront jusqu'au hôpital. Voilà, moi je peux très bien voilà vous faire un petit cocktail qui va lui faire une petite crise cardiaque. Oh, il a trop forcé, il en est mort, le pauvre. Voilà. C'en était trop pour lui. Mais on sera pas inquiété. C'est ça. Parfait. Que faites-vous donc exactement de cette journée? Alors déjà, moi je vais commencer juste par un truc. J'ordonne. Enfin, j'ordonne. Je le demande gentiment, mais disons que le refus aurait aucun sens. Je demande à Maria d'aller chercher. Excusez-moi s'il y a des petites coupures. D'aller chercher. De ouais. Il faut que je le change. Je l'entretiens. Alors, déjà, je dirais du coup à Noah de chercher un nouveau vocodeur. Et je dis à Maria d'aller chercher du matériel dont je lui fais une petite liste, dans le but de pouvoir construire un petit drone. Alors vraiment, moi mon but c'est pas vraiment avoir un gros truc qui va pouvoir aller très loin. Je sais que j'ai pas le temps de faire ça, donc j'essaye d'être le plus optimal et d'avoir la meilleure optimisation, ressources et ce que je peux avoir à la fin. Donc je fais une petite liste de ce que je veux. Et je demande en vrai par contre du coup à Noah de se renseigner s'il peut pas aller me chercher quelques petites ressources au niveau du serveur. Pour le vocodeur. Pour rendre un service. Très bien. En effet, tu lui donnes une accréditation, un texte officiel lui donnant l'autorisation de récupérer un vocodeur, puisqu'il est envoyé par toi-même. Et il s'en va. Donc, quant à Maria, elle, une simple liste de courses suffit. Les autres, avez-vous des choses à faire ? Et cette partie un petit peu plus, disons, libre et ellipsée que les précédentes. Bah moi, je vais aller au hôpital pour justement faire le poison, enfin le petit boost qui va faire péter le tout, quoi. Ça veut dire que t'es même pas obligé forcément de... Quoique, enfin, t'as des produits surtout en permanence, t'as toujours une petite trousse de premier secours. Après, tu peux en effet aller à l'hôpital, elle sera beaucoup plus efficace, mais tu sais qu'un souci va se poser, c'est celui du temps que tu vas mettre à y aller et à revenir. Ah oui. À moins que t'aies un moyen de transport plutôt rapide à disposition, tu devras te contenter de ton matériel, de ta trousse de premier secours. Oh, sinon, je demande à Mokosh de m'emmener en moto. On fait un tour sur Abby. D'ailleurs, ça en est où ton sidecar là? Parce que t'étais pas censé faire un truc comme ça à un moment donné. Ah, en effet. Je sais pas si les esclaves de Flux sont travaillés dessus. Je peux même pas faire un jet pour mes esclaves. Par contre, vous savez que même sans deux, vous venez sur la moto. Ouais. Il est pas encore prêt, il est pas encore. Par contre, dans le futur, j'aimerais bien vraiment faire les jets pour mes esclaves. Ah, pas de soucis, bah écoute, il y a mes esclaves. Volonté. Mes employés. Oui, bah allez, en vrai, je les traite super bien. Voilà, donc au pire, tu peux me donner un petit lift, tu vois, tu m'emmènes directement au hôpital en bécane, sans jette. Ouais, ouais, si tu veux. dans les rues justiciennes. Mokosh, tu récupères ta moto et vous vous dirigez au niveau de l'entrée, enfin, pardon, de la sortie de Justicienne. Ainsi, tu l'équipes. Tu démarres le moteur, retrousses tes manches, laissant apparaître tes tatouages, tes récentes marques de juge. Toric, lui, monte à l'arrière et c'est ainsi que vous vous élancez à la conquête de l'inconnu et d'une, de la route. Bon, en fait, vous allez au niveau du hôpital, donc vous savez exactement où vous allez, mais mais il y a un petit peu cette aura-là. Toric qui arrive d'ailleurs finalement du coup quelques heures, donc vachement plus rapidement qu'à pied, à peine au niveau du hôpital, à bord de sa moto, tel un patron qui se garerait devant son entreprise en Lamborghini, quoi. Ouais. Ça en jette comme ça. Au niveau du hôpital d'ailleurs, de ton côté, donc Toric, tu récupères le matériel nécessaire. Ok. Alors que tu te trouves à l'extérieur, toi, Mokoche, tu observes les hordes de malades. Un peu sans rien dire, et d'ailleurs, t'es abordé plusieurs fois par des jeunes femmes ou des jeunes hommes qui te disent soit être malade, soit avoir un parent malade, et qui te demandent quelques lettres de change dans l'objectif de payer plus facilement leurs soins, ou en tout cas payer des soins plus rapides pour accéder au sein du hôpital. En tout cas des zones autorisées. Et les fameuses zones de prise en charge. Est-ce que tu te soumets au... Bah, j'aimerais bien, mais c'est très triste parce que sur ma fiche, il y a marqué 0 lettre de change depuis la dernière fois que j'ai tout donné à une petite fille. Tu leur expliques malheureusement que tu n'as pas d'argent appuyé sur ta moto qui est... Non mais il a besoin de combien ? Il a besoin de combien ? Bah, ils prennent tout ce que tu leur donnes. Parce que moi, je peux lui donner un petit peu, s'il si veut. Toi, malheureusement, tu ne trouves pas là. Tu te trouves à l'intérieur en train de récupérer le matériel dont tu as besoin officiellement. D'ailleurs, alors que tu te rends au niveau de ton bureau, tu remarques que le ménage a été fait en absence, que les dossiers ont été triés et que tout a été mis parfaitement en ordre. C'est échelé. Ouais, tu le soupçonnes fortement, en effet. C'est vrai que toi, ton bureau, contrairement à celui de ton supérieur, ne peut pas être fermé à clé. Donc n'importe qui peut venir. Est-ce que je l'ai croisé en arrivant ou... Alors, pour l'instant, non, mais si tu veux, tu peux te rendre dans son dortoir, il y a de fortes chances qu'elle s'y trouve. Non, bah, je vais aller la voir. Ok. Eh bien, en effet, tu la trouves à l'intérieur. Elle est là, elle est en train de s'occuper, en train de lire ses livres de médecine. Bonjour, Chalet. Comment ça va ? Tu vois, elle relève la tête, elle baisse un peu son livre et elle semble légèrement ravie, enfin contente de te voir. Oh, bonjour. Non, j'ai vu que... C'est bien passé, dehors ? Oui, très très bien. J'ai vu que vous aviez arrangé mon bureau pendant mon absence. Oui, en effet, je me suis dit que ce serait plus pratique pour vous afin de mener vos missions. J'aurais d'ailleurs une question, si jamais vous aviez un peu de temps libre, pourriez-vous m'enseigner quelques bases de votre travail exact ? J'imagine que ça pourrait faire bonne figure dans mon dossier. Quand vous dites base de mon travail, c'est quoi ? C'est ce que fait le fabulancier ou le médecin de terrain ? Plutôt médecin terrain. Écoutez, bon là, pour être honnête, je vais pas avoir forcément le temps de faire ça aujourd'hui, mais à l'occasion, ce serait avec plaisir. Eh bien, parfait. Je vous remercie. Vous tombez bien, parce que justement, j'aurais besoin que vous fassiez un truc pour moi. Est-ce que, à l'occasion... Si vous pouvez, j'ai vu que vous étiez assez débrouillarde. Tendre l'oreille, par-ci, par-là, et si vous entendiez des choses qui se disent sur le docteur Collins. Et si jamais vous entendez des choses, même bizarres, hein, n'hésitez pas à m'en faire part. Ah, d'accord, et eh bien écoutez, je ferai ça pour vous. Je serai vos yeux et vos oreilles. C'est ça. C'est tout à fait ça. Je vous en remercie en tout cas. Mais sachez que je suis quand même très content de ce que vous faites depuis que vous êtes là. Je vous remercie, tu la vois qui hoche légèrement la tête. Puis qui cache ses grands yeux derrière son livre et qu'elle se remet à lire. Frénétiquement. Ah, bah, je vous souhaite une bonne journée et je m'en vais. C'est vrai que tu vois, tu trouves ça légèrement, j'imagine, un petit peu étrange, ce côté un peu je me tape l'incruste qu'elle semble arborer. Maintenant, tu sais que c'est vrai que voilà, c'est quelque chose un petit peu commun chez les femmes lanciers qui tentent de se rendre indispensables au sein du hôpital pour pas partir sur le front en attendant d'avoir un poste supplémentaire. Ouais. Mais bon, en effet, en attendant, tu trouves un certain intérêt. Voilà, bah du coup, je... Toi, tu as le retour de Noah avec un nouveau vocodeur. Fais-moi tester ton nouveau vocodeur pour voir s'il fonctionne bien. Il a l'air de mieux marcher. Maria, elle aussi, se rend un petit peu plus tard. Elle arrive avec le matériel dont tu avais besoin. Mais tu la vois qu'elle est légèrement troublée au moment où elle le dépose sur la table. En effet, elle t'explique que tu n'es pas sans savoir qu'elle a du mal à s'exprimer dans la langue commune en Borka, et que donc il a été plutôt difficile pour elle de récupérer le matériel que tu lui avais demandé, et que notamment elle n'avait pas grand-chose forcément pour le payer, et que donc elle a dû improviser, et que certains vendeurs un peu apitoyés lui ont donné certains matériaux, tandis que... elle en a légèrement, on va dire, subtilisé d'autres à des endroits X ou Y. Bon, comme quoi les bonnes vieilles habitudes ne se perdent pas. Bah déjà, je m'excuse parce que normalement c'est moi qui paye, donc j'ai oublié de lui donner les lettres de change avant qu'elle parte. Bon, tu vois que finalement elle attendait même pas vraiment d'excuses de ta part, c'est juste que. Bon, voilà. Ouais, mais bon. En tout cas, je fais un peu le point sur ce que j'ai en matériel. Alors, tu sais que du coup, moi personnellement, j'avais vu que tu as un. Comment dire. Score en. J'ai déjà oublié depuis. En ressources, tu as un score de 2, donc j'en conclus que tu possèdes, on va dire, le matériel nécessaire pour rattrouper ça. Mais je vais quand même évidemment te demander un jet de intellect craft. Engineering. Ah non, d'accord. Je pensais que c'était crafting. Ok. On va faire les deux. En effet, c'est une bonne idée. On va faire intellect engineering et on va pouvoir tenter une agilité crafting derrière. Mais pour moi, le premier est plus important. On n'est pas, par exemple, dans l'idée de, je sais pas moi, le crafting en effet marche aussi pas mal, mais là on est vraiment dans la, on va dire, plus dans une approche scientifique que vraiment, on va dire, débrouillarde. Et il te faudra une difficulté, enfin une réussite de 4. Je sais que je suis un petit peu exigeant, mais bon, c'est pas n'importe quoi comme j'ai. Ok, parfait. Au bout de plusieurs heures de travail, tu arrives à mettre au point un premier prototype de mini-drone inspiré de celui que tu avais vu. J'imagine que tu avais un petit peu étudié aussi sa structure ou des structures similaires depuis, parce que ça avait sans doute intrigué ta curiosité. Léger pléonasme. Ce dernier est pas encore parfait, il fait un petit peu de bruit, il vole pas très très haut et... tu arrives légèrement à le télécommander à distance simplement grâce à ton gantelet. Tu n'as même pas besoin de télécommande manuelle. Mais ça fait pour l'instant à peu près l'affaire. Tu fais plusieurs tests en extérieur, éventuellement dans des cours intérieurs, entre quelques maisons non loin de chez toi ou dans des espèces de petits espaces verts au sein de la ville, même s'ils sont très très peu. Et par espace vert, je parle pas de petits arbres ou de petits... C'est plus même des espaces boueux, vaguement terreux, avec quelques brindilles que le joli parc. Tu arrives assez facilement, en t'entraînant, à le poser au niveau d'un toit. C'est pas incroyable, mais c'est ça, et tu peux également retranscrire certaines images, mais à très courte distance. Que c'est notamment en fait ce qui coûtait les fameuses ressources. Il fallait une espèce de mini caméra, mini objectif à l'intérieur. En clair, voilà, tu ne pourrais pas identifier par exemple le visage de quelqu'un grâce à ça, mais tu as actuellement un mini drone de la taille d'une main qui te permet par exemple de distinguer du mouvement en noir et blanc à partir d'une zone donnée. Je rappelle qu'on est quand même dans du post-apocalyptique, donc la technologie reste assez rare, on ne peut pas faire mieux pour le moment. À moins que tu y mettes un peu plus tard les sous, que tu trouves de quoi l'améliorer. Un peu plus tard, vous vous retrouvez, et est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaiteriez entreprendre ? Non, enfin pas moi en tout cas. Là comme ça, j'avoue que... Pas de soucis. Ah d'ailleurs si, quand même Thoric, il faut que je te demande. Oui. T'as récupéré les médicaments nécessaires, je vais quand même te demander un jet d'intellect médecine pour la conception du poison. A priori, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas, mais on ne sait jamais. Tu sais... Alors, 4 succès, un déclencheur. Bon, voilà, je m'attendais à ce genre de résultat. Bon, ça passe... Bon, voilà, tu connais les doses à administrer pour éliminer quelqu'un assez facilement, sans trop donner de traces. Alors, j'ai fait ça dans... Si c'est faisable, hein. Ouais. Dans une espèce de... Dis-moi la forme que tu voudrais lui donner. De seringue à pression, tu sais. Où t'as... C'est pas la seringue classique où tu vas faire ça. C'est genre... t'appuies... Tu plantes et... Psst, ok. Voilà. Je vois. Pour que ce soit discret au moment de... Oui, que tu puisses facilement l'administrer. Voilà. Bon, évidemment, c'est pas moi qui vais le faire, hein, parce que un hospitalier qui arrive comme ça à côté d'un gars, c'est un peu grillé, mais voilà, quelqu'un, il faudrait trouver quelqu'un de confiance qui puisse aller faire ça pour nous. De préférence, pas Mokosh, parce qu'elle serait vue à des kilomètres à la ronde. Eh bien, je laisse décider ça entre vous. Quel est le protocole que vous allez suivre ? Je donne... Pour retrouver... Bah, déjà... Oui. Oui, déjà, vas-y, vas-y. Du coup, FX, je te donne ça. C'est ce qui va nous permettre de... Bah, de mettre hors d'état de nuire ton bonhomme. Maintenant, je te laisse trouver quelqu'un qui pourra l'approcher d'assez près, qui aura juste à lui injecter ça n'importe où. Il peut faire ça où il veut. Il n'y a pas d'endroit particulier. Ça agit en combien de temps ? Disons que d'ici une demi-heure, 30 minutes, ça nous laissera le temps de partir personne n'y verra quoi que ce soit de louche, on sera déjà loin. Quelle heure est-il là, vis-à-vis de la journée ? Actuellement, vous êtes aux alentours des 16-17 heures. Ok. Tu sais que la nuit va commencer à tomber d'ici quelques heures, mais que les gens généralement travaillent assez tard, juste ici. L'heure du repas, officiellement, du soir C'est aux alentours de 20 heures. C'est à peu près comme nous dans notre monde. Ok. Qui nous laisse le temps de le Certains trouver. Certains mangent bien plus tard. Généralement, les gens mangent juste avant de dormir. Puisque la faim, on la comble le plus. Dans l'idée de réussir justement à trouver le sommeil. Je sais pas comment expliquer. C'est pas par gourmandise qu'on va manger. C'est parce que si on fait pas, on sera pas bien et on dormira mal. Maintenant, généralement, le soir, les gens mangent pas beaucoup. Je pense simplement histoire de se caler. Et vont surtout beaucoup manger le matin. Pour avoir un apport suffisant pour à peu près toute la journée. Oui, en soi, ça va. D'ailleurs, parfois, les gens ne mangent pas le midi. Après, voilà, ça dépend. Hein. Par exemple, les voyageurs vont manger toutes les 2-3 heures. Ils vont faire des pauses et manger un peu. qui sont pas vraiment de repas. Ça dépend voilà, des cultures et des gens et du contexte dans lequel ils évoluent. Après, voilà, tu sais aussi que dès que les sphères sont un petit peu, on va dire, un petit peu nobles, un peu riches dans le monde des Genesis, on peut retrouver un petit peu notre classique, nous, petit déjeuner, déjeuner, dîner. Mais c'est réservé à une certaine élite. Pour faire au plus vite, il faut juste, en fait, là, le plus dur, c'est de le localiser, parce qu'on a encore envoyé personne pour le trouver. Du coup, moi, je vais aller en ville. Ça serait bien de vous donner quand même un coup de main pour le trouver. Histoire de... Même si je pense que Mokosh aura du mal à parler avec ses contemporains, avec ce qu'elle a au bras. Malgré tout, ça... Oui, c'est vrai que tu es très persuasive. Mais oui, le but, c'est juste le localiser le plus rapidement possible. Comme ça, si on arrive à l'avoir avant le repas, ça sera chose très très aisée de juste introduire le poison dans son repas et de passer à autre chose après. On aura sûrement des retours du serveur le lendemain. Ce qu'il me laisse ce soir pour surveiller les zones de la porte. Sache, Flux, que si on lui met dans son repas, ça prendra plus longtemps. On s'en fiche, ce qui compte, c'est que ça fasse effet, nous, non, on ouais, part immédiatement. Mais je préfère le dire, au cas où. Plus c'est pas grave. Plus c'est éloigné du repas en soi, plus ça apparaîtra comme étant une mort naturelle. Mmh. Du coup, là, faut qu'on se bouge immédiatement et qu'on le géocalise le plus rapidement possible. Une fois que c'est fait, on a vraiment la soirée pour nous et surveiller ce fameux contrebandier. Ok. C'est quoi le nom de ton bonhomme déjà? Vipelin. Ou okay. Vipeline. On ne sait pas comment ça se prononce. Ok. Bon, bah, j'imagine que je vais me balader du coup. Ouais. Je fais juste un truc. Ouais, ça va être compliqué. Bon, il faut qu'on se sépare et qu'on arrive à se donner rendez-vous à un endroit d'ici une heure ou deux. Comme ça, c'est avant l'heure du repas et on a le temps d'agir. Faut qu'on trouve un endroit qui soit au milieu, assez, ouais. Assez central, vu qu'on sait pas où il est. Je suis d'accord. Et justement, parce que juste ici dans mon atelier se trouve un magnifique, une magnifique carte, bien entendu, de justicienne. Elle est très jolie, elle a été dessinée à la main par un peintre un peu fou, avec du charbon. Je vois. Par contre, c'est très très grand. Est-ce qu'on sait quels sont les quartiers qui sont actuellement en travaux vis-à-vis de la map? Oui, en effet, tu sais qu'il y a certains quartiers qui sont en travaux. Notamment, tu sais qu'il y a une innovation au niveau de l'un des aqueducs qui s'est tamboué. Il y a eu en haut une espèce... Alors, ton avis de fait, on t'a entendu parler, tu t'es pas plus attardé là-dessus que ça. Mais tu sais qu'il y a une accumulation de poussière un peu à l'intérieur qui, couplée à l'humidité, a commencé à créer un truc un peu terreux et qui a obstrué une partie, ce qui demande une certaine rénovation au niveau de certains pans de ce dernier. Maintenant, tu sais qu'il y a aussi beaucoup de rues qui sont rénovées et également quelques bâtiments. Bon, tout ça, c'était juste de façon pour donner un rendez-vous, donc on se donne rendez-vous au milieu de ces informations-là. Voilà. Les gens qui sont en travaux forcés, tu sais, qui vont souvent, du coup, travailler à des endroits où ils peuvent être facilement surveillés par les juges qui se trouvent en haut de leur petit rempart et qui font leur ronde dans la pièce. Bon bah avec tout ça, on se donne un point de rendez-vous qui est central pour qu'on puisse se séparer et se retrouver 2 heures plus tard. Oui. Tout en pouvant intervenir rapidement après. Ouais. On n'a pas une question pour ZMJ. Oui. On n'a pas une idée de genre quels quartiers sont actuellement en reconstruction, genre les trucs qui auraient été touchés récemment. C'était ma question. Pas plus que ça. Ah. Pas plus que ce que j'avais. J'avais pas compris. Désolé. T'en fais pas. Tu me diras si tout le monde demande, peut-être réussir à la fin à avoir. Alors, une question. J'aimerais savoir quels quartiers sont en construction ou en reconstruction. C'est le quartier des Jamethan qui a entièrement explosé il y a 2 soirs. Et... Mais j'étais en prison, c'est pas moi. Alors, ça, je te crois pas. Très bien. Bon, bah, du coup, pour résumer très rapidement le plan à notre cher MJ, on se sépare, on est à 3 à fouiller dans ces quartiers-là qu'on a déterminés. Récemment. Enfin, je vais commencer par vous demander tous un jet d'instinct orientation. Je me perds. Attends, on avait une jolie map dessinée au charbon. Orienteering. Pas uniquement. Mais c'est pas une histoire vraiment là de se perdre au bas, c'est de. Deux succès. Exactement les bons, quoi. Deux succès, dont un déclencheur. Deux réussites, pas de déclencheur. Enfin, deux réussites, un déclencheur. Ok. Vous trouvez tous plus ou moins des quartiers où de temps à autre vous apercevez des groupes de juges entourés des groupes de travailleurs armés de pelles et de pioches en train de travailler comme ils le peuvent. Qu'est-ce que vous souhaitez faire ? Aborder les juges, aborder certains des travailleurs ? Essayer de vous rendre au niveau de leur camp où ces derniers résident ? Certains travaillent d'ailleurs même de nuit et font simplement des rotations nuit et jour, tandis qu'on va leur donner de maigres pitances qui auront toujours le luxe d'être chauffés, ce qui est parfois plus gérable que de vivre directement dans la rue. Moi, de mon côté, je propose mes services en tant qu'hospitalier pour peut-être soigner ceux qui seraient fait des petites blessures pendant qu'ils travaillent. Et du coup, j'en profite pour jeter un œil à droite à gauche, écouter un petit peu si j'entends son nom ou des trucs du genre, quoi. Mmh. Très bien. Mais heureusement, non, tu n'entends pas son. Okay. De ton côté, Mokoche ? Bah, moi. Aussi, je vais attendre de voir si je peux pas trouver un endroit où il y a des gens qui bossent, et là où. Et si j'en trouve, bah, je vais tout simplement aller leur parler directement sans aucun artifice, quoi que ce soit. Toi non plus, malheureusement, tu ne trouves rien d'intéressant. T'en parles à certains, mais les premiers diront qu'ils sont occupés, les autres diront qu'ils n'ont jamais entendu le nom que tu cherches. Pas très concluant. Et de ton côté, Flux ? Je joue aussi du côté du peuple. Les juges m'inquiètent un peu. Ok. De ton côté, les choses sont légèrement différentes. Lorsque tu énonces le nom Viplin ou Vipline, on te dit ouais, ça me dit un truc. Allez du voir du côté de la porte principale. Il me semble qu'ils l'ont infecté là-bas après qu'il soit bagarré avec certains types d'entre nous. Mais je sais pas, moi, je suis arrivé là il y a pas si longtemps que ça, vous savez. Tu sais que la porte principale dont il te parle, c'est celle qui mène vers Cathédrale. Ok. Donc, au niveau du quartier de Jameda. Malheureusement pour moi. Vous vous trouvez d'ailleurs finalement au niveau de votre point de rendez-vous, et du coup, j'imagine que vous décidez de vous y rendre. Exact. Parfait. Une fois là-bas, vous vous trouvez en effet plusieurs ferrailleurs, enfin plusieurs, pardon, juges, en train de patrouiller armés de leurs mousquets, tout en fumant et en s'exclamant en regardant les autres en bas en train de d'effectuer le dur labeur. Vous les entendez d'ailleurs, certains d'entre eux pouffer légèrement et dire des phrases comme « Allez, le protectorat va pas se refaire tout seul !» Vous savez que malgré tout, en général, les juges sont pas non plus tous des connards, mais là, en l'occurrence, ces derniers temps, vous vous en croisez pas des super sympas. Mais je vous promets, il y en a des cools. Il y en a des biens. On les a pas encore vus. Un juge cool, c'est un juge mort. Jacquard, il est sympa, aussi. On n'a pas encore eu le temps de le juger. C'est vrai. Juger un juge. Tous les juges sont pas comme ça. Ouais. Et puis bon, il faut bien qu'ils décompressent un minimum en vue de la vie, la dure vie qui les attend au niveau des fronts. Dans tous les cas, à un certain moment, vous entendez l'un d'entre eux appeler, en effet, Viplin, juste en bas. Et à ce moment-là, vous voyez un vieil homme relativement âgé, il doit avoir, enfin relativement âgé, il doit avoir 60-65 ans, mais plus que ce que vous auriez pu imaginer, avec un visage un peu marqué, un peu creusé, relativement maigre d'ailleurs. Et c'est lui ? Il se retourne et en effet, il répond à l'appel. On lui donne un ordre tout simple, aller s'occuper des pelles et des pioches abîmées. Alors il va se poser un petit peu à l'écart des autres et récupère le métal et essaye de faire ce qu'il peut avec ce qu'il a. Notamment par rapport à certaines pioches dont les manches ont pu être cassées, qu'il va s'occuper de remplacer par de nouveaux. Mise à disposition. Puisque certaines pioches sont faites avec des manches en bois, d'autres en pierre. Mais vu que le bois est assez rare, celles qui sont faites en bois sont généralement avec du vieux bois tout pourri qui casse très facilement, notamment lors des réparations. Lorsqu'il faut dégager de grosses pierres ou creuser la terre grâce à la pioche, on a vite fait de tout casser. Puisque d'ailleurs, en effet, même si vous les voyez avec des pelles, ils ne creusent pas avec les pelles. Ils tapent d'abord avec les pioches dans le sol afin de d'éclater la terre. Et la pelle sert seulement à récupérer la terre qui a été détruite et de la dégager sur le côté. Du coup, j'ai une question. Oui. Est-ce que j'ai une gourde sur moi ? De type métallique, je sais qu'on transporte de l'eau. Oui, j'imagine, en effet, vous êtes souvent amené à voyager. Évidemment que tu as forcément un micro. Je me mets dans le secteur où est en train de travailler actuellement Viplin. Et en fait, je vais distribuer de l'eau à tout le monde de ma gourde en mode tiens, donnez une gorgée, je vous. Ouais, je vous soulage un peu en cette fin de journée difficile. Et en fait, le but, c'est que quand il reste vraiment plus beaucoup dans la gourde, je mette le poison de Thoric et que je fasse boire Viplin. Très bien. Tu fais légèrement boire les travailleurs. Tu vois qu'ils sont relativement surpris et agréablement surpris d'ailleurs de ton geste. T'entends même certains dire légèrement dans ton dos quand les machines sont plus humaines que ces satanés bérets, enfin que ces satanés satanés juges. T'entends un ou deux autres te dire ah merci c'est chic. D'ailleurs tu peux observer à leur marque que la plupart ont commis des crimes bien moins graves que celles que Mokoche arbore sous ses vêtements. Au final du coup tu tends la gourde à Viplin du coup après l'avoir empoisonné. Et tu vois, au début, il est un peu plus réticent, lui. Il fait « Non, merci, ça va. » Ah, mais vraiment, mon ami. Je suis là pour tous vous aider. Une gorgée ne vous fera pas de mal. Bon, puisque vous insistez, il la prend. L'ouvre, la porte à ses lèvres et en prend quelques gorgées. Puis là, il te l'a autant. Et il revaque à son occupation sans même te dire merci. Il a bu. Fait par obligation. En termes de quantité. Il a bu une quantité quand même. Tu l'as vu à sa. au mouvement de sa gorge, il en a bu une bonne gorgée. D'après ce que t'en as dit, Torik, qui sait bien ce qu'il fait, ça doit être largement suffisant. D'accord, ouais. C'était la question que j'avais. Bah, à partir de là... Au moment où tu te retournes, tu vois juste devant toi apparaître l'un des juges. Et il te tend la main dans ta direction comme s'il souhaitait lui aussi pouvoir profiter du breuvage. Ah, excusez-moi. Moi aussi, j'ai... La course vient d'être terminée. Mais suivez-moi et je vais la remplir. Je vous fais boire volontiers, si vous voulez. Allons-y, alors. Et tu vois qu'il t'emboîte le pas en direction de l'une des fontaines. D'ailleurs, tu sais que les fontaines sont gardées par des hospitaliers et que c'est difficile de pouvoir y boire quoi que ce soit sans y insérer un jeton des chroniqueurs. Heureusement pour toi, tu en disposes 2-3, évidemment, à disposition. La fontaine fonctionne comment ? C'est une classique fontaine où tu actionnes un levier et ça va lâcher une partie de l'eau qui est normalement traitée à l'intérieur du récipient que tu veux. Au bout d'un moment, le mécanisme s'arrête automatiquement. Tu peux pas le forcer à l'infini. Ok, évidemment. Du coup, ce que je vais faire, même si ça peut être très compliqué, mais... Je vais en fait essayer de faire basculer ma gourde quand j'active le mécanisme en mode « Ah mince, ça me glisse des mains » pour vider le résidu de poison qui doit traîner dedans. Et après, avec ce qui va rester de filet, finir de remplir au cas où il veut vraiment boire dedans. Okay. Et je vais espérer que ça suffise à purifier la gourde. Très bien. Tu vas me faire un jet... Non, j'ai gagné. Ah mais tu peux. Je suis joueur. Non, y a pas besoin de jet, enfin, y a pas de compétence particulière pour faire tomber une gourde. Tu fais à peu près ce que t'as dit, tu vois, au final, tu l'as rempli, tu vois que lui tapote un peu du pied, et lorsque tu lui donnes, il en boit quelques gorgées avant de te remercier. Je lui dis même pas de rien. Il te remercie gentiment, et puis il s'en va. À un moment où tu refermes cette dernière, tu vois la silhouette... dans la ruelle d'à côté de Mokosh et Tori qui étaient restés sur le côté et qui t'observaient de loin. Ils sont là, immobiles et un peu circonspects. Ils sont tous en train de se demander si, oui ou non, tu viens d'empoisonner un juge. Tiens, oui. En tout cas, je les rejoins et je leur dis qu'on va pouvoir se réoccuper de notre affaire du contrebandier qui est bien plus important. Bien sûr. Flux, oui. Le juge, il a bu dans la gourde ? Oui. Mais comme plein d'autres hommes précédemment. Ouais, mais... Dans la gourde... Oh, ce n'est qu'un juge. Non, je rigole. Non, j'ai essayé de la laver. Dis-moi, c'est quoi les effets résiduels si jamais il en boit une toute petite quantité ? Il est probable qu'il fasse peut-être... un malaise vagal, ou alors il pourrait être pris de fortes diarrhées. Ouais, mais du coup, quelque chose de pas trop grave qui ne mettra pas suspicion. Oh non, il va rester au lit 2-3 jours, quoi. Bon, et parfait. Il se dira que c'était ça que de boire après tout le monde, et surtout en dernier. Ouais, exactement. Là-dessus, sur ces belles paroles, vous décidez de repartir et de retraverser dans l'autre sens le quartier de Jemethan. Mokosh, en effet, est-ce que tu as toujours les manches déchirées ? Moi ? Ou un nouveau manteau en moins rapiécé depuis le temps ? Non, je les ai gardés déchirés. J'aimais bien la gueule que ça avait. Très bien. Tu peux donc apercevoir ces Jemethan te donner des coups d'œil encore plus jugeants que les autres précédemment, puisque eux, ils voient notamment déjà un anabaptiste, mais en plus marqué au niveau des bras. Ce soir-là encore, vous allez attendre au niveau de la porte Est en espérant avoir apparaître quelqu'un qui pourrait s'apparenter de près ou de loin à un contrebandier. Malheureusement, il n'en sera rien et au bout de quelques heures, vous rentrez de nouveau bredouille chez Flux. Oui. Malgré tout, le Oran Bredouille, etc. Mais comment s'est comporté XP 19, 3, 15, 20, 20 ? Eh bien, relativement bien. Les premiers tests sont plutôt concluants. T'es plutôt fier de toi pour un truc qui a été prototypé en une seule journée, même si tu avais déjà pensé ce projet un petit peu avant. T'es assez satisfait aussi du fait simplement d'avoir pu accomplir ainsi et finir le projet. Malgré tout, en effet, tu vois qu'il fait encore un petit peu de bruit et que lorsque tu le lances ou que tu le déplaces, on peut remarquer sa présence. Il n'y a pas un certain brouhaha. Là, tu l'avais simplement posé. Malheureusement, deuxième souci aussi, vu qu'il faisait nuit, t'arrivais quasiment à rien capter de là où t'étais, malgré le fait que tu étais à faible distance. Ça te fait des pistes d'amélioration, et une fois rentré au niveau de ton abri, tu décides d'ailleurs de te pencher là-dessus. Mais avant tout, j'aimerais te demander un autre test d'intellect, engineering, connaissance interfact lore, pardon, avec une difficulté de 5, et pour rappel, tu as le droit à un dé supplémentaire. Ouh. Alors attends, 3 et 3, 6 plus 1, 7. Oh! Ce soir-là, avant tout, plutôt que de travailler sur le drone, tu vas te pencher sur le fameux disque, qui, pour rappel, est finalement plus un genre de récepteur. Tu essaies d'analyser les chiffres qui d'ailleurs le composent, et tu arrives à établir une espèce de, suite que tu vas ensuite relier à un appareil émetteur de son tel une radio. Tu es donc face à un mélange de données cryptées, un mélange de quelque chose qui pourrait s'apparenter à une espèce de gros vinyle un peu étrange, et en même temps de réceptacle radio, du coup, puisque tu as des coordonnées. Et à force de travailler là-dessus, tandis que tout vous, Torik et Mokoj, vous assistez à cette scène assez rocambolesque de F-Flux décortiqué, ce disque tel un médecin s'occuperait d'un cadavre, et méticuleusement en déduire tout ce qu'il pouvait. De temps en temps, vous le voyez appeler certains de ses camarades à l'aide, notamment pour effectuer toutes les basses besognes, déplace-moi ici, apporte-moi tel objet, relie-moi ça, ça, appuie sur tel bouton, essaye d'envoyer de l'électricité là-dedans, afin d'obtenir au mieux ce dont il avait besoin. Au final, tu délaisses d'ailleurs complètement ton petit drone, parce que cette soirée-là, qui s'apparentait comme une soirée similaire à toutes les précédentes, à simplement avancer sur le casse-tête sans pour autant le résoudre, va finalement tourner d'une manière complètement différente. Puisque tu le sens, tu es tout prêt de résoudre ce fameux casse-tête qui te hante depuis désormais plusieurs mois, bien que tu n'aies jamais eu le temps non plus de t'y consacrer des semaines et des semaines entières enfermées dans ton labo comme tu aurais pu l'aimer à une époque. Malheureusement, tes obligations et tes responsabilités t'appellent, souvent en permanence. Cela va faire un nombre incalculable d'heures que tu passes là-dessus. Depuis la fois où ce fameux chroniqueur te l'avait donné en échange de sa propre vie et de sa propre identité. Mais quel secret renfermait donc ce disque ? C'est ce que tu te demandes une dernière fois avant de lancer l'émission. C'est ainsi que, plongé dans l'obscurité de cette petite pièce de justicienne, le disque de GMA se lance sous vos yeux. The religions have lied to you. They told you you were lambs, so they could guide you like sheep. But you are rams. You don't need a shepherd. You guide the flock. They told you to always turn the other cheek. They said, receive the blow only so they could pin you to the ground and keep you down. But you are rams. You have horns and your breath is fire. They took your hide so you would be cold. They offered you fire, so you would be in debt. And for a place at the hearth, they treated you like cattle. But you are rams. Your fleece is black. Your fleece is golden. It carries the gifts of afterlife and rebirth. Nobody shears your skin and wears it like a cloth. The age of Pisces has come to end. No longer will you be the sacrament and the sacrifice, but you will be the signal of a new dawn. And the sound of your hooves will be carried into the cities and cathedrals of the fishermen. This is the voice of the last prophet. These are his words. I am Jahamed, and I have returned to protect you till the end of time.